comme le déjà vu ou les trucs paranormaux de fantômes sur une photo. Exactement. T'sais, c'est juste que tu veux pas, c'est que tu te mets un petit peu une barrière où tu vis dans le déni un petit peu. Mm-hmm. Mais bon, c'est mon avis à moi. Merci Tania pour ta chronique. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain. Dominique Notmabougou qui est déjà avec nous en studio. Salut Mathieu, salut Tania. Ça va? Mais oui, ça va et toi? Ah oui, super. Est-ce que t'es prêt pour Voix d'Afrique? Mais oui, on comme d'habitude, on lance ça. C'est parti. Ok. Dominique Notmabougou qu'on accueille avec Voix d'Afrique. Et là, je me rends compte avec la radio visuelle qu'on fait dans cette chronique-là que ça fait, je pense, trois chroniques que je porte mon chandail aligné. On dirait que le mardi, c'est comme, je sais pas, par hasard, t'as J'ai jamais remarqué. Mais je pense vraiment. Je pense, que dans les deux premières, j'étais habillée aussi de la même façon. Je pense qu'on est seté, Mathieu, avec le jour de la semaine. C'est psychologique, je pense. Ouais, on s'appelle même pas pour se le dire. Mais il y a du trafic en studio aujourd'hui, c'est incroyable. C'est, c'est vrai. Mais on en parlera tout à l'heure parce que pour l'instant, on a d'autres choses à dire. Dominique qui est là pour nous parler des nouvelles du continent africain, comme chaque semaine dans Voix d'Afrique. Et lui, il ratisse large. La planète est grande. Il se passe plein de choses dans plein de domaines. Mais oui, il se passe plein de choses dans plein de domaines. Et puis, aujourd'hui, on va parler déjà de cinéma, de divertissement. Donc, pas ce week-end, mais cette fin de semaine, disons vendredi soir, j'ai regardé Black Panther. Et que tout le monde en parle. Ça a l'air bon. Apparemment, c'est aussi bon qu'on espérait. Ah ouais? Je sais pas, est-ce que c'est vrai? En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment super le film. Après, je sais pas si tout le monde au studio est d'accord avec moi. Est-ce que vous l'avez déjà tous regardé? Pas encore. Je l'ai pas encore vu, non. Mais c'est excitant quand même comme idée, je veux dire, des super-héros noirs. On voit pas ça? Ben, on voit pas ça. À part peut-être Spider-Man qui était noir, mon ami. Dans les bandes dessinées. Ok, bon. Miles. Il y a de ça quelques années. Ça. Ben oui, c'est ça en fait. Puis, justement, moi je l'ai regardé. Et puis en ce moment, le film il bat vraiment des records d'audience fait. Avec le rôle principal est joué par Chadwick Boseman. Bon, en tout cas, moi avant, je le connaissais pas honnêtement. J'ai juste commencé à voir sa tête juste à cause du film. Ben c'est vrai, mais ça va faire vraiment des énormes vedettes. Le Michael B. Jordan. Ouais, Michael B. Jordan, il a l'air excellent. Ouais, j'adore ce gars, il est super drôle. Non, il a été vraiment bon dans le film. Et puis, c'est un film qui n'est pas très long, en fait. Ah. Disons, moi, j'ai regardé une heure et demie. Okay. Mais pendant toute la durée du film, tu t'ennuies pas vraiment. Et puis, l'histoire, elle est vraiment superbe. C'est vraiment bien tourné, les effets spéciaux. Donc, c'est du Marvel quand même. Ouais, c'est un petit peu de budget, peut-être. Un tout petit peu, on va le dire. Parce quelques explosions, sûrement. C'est ça. C'est ça, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Et puis, au-delà de ça, le film, il est devenu un vrai phénomène culturel. Ben oui. C'est parce que même au cinéma, tu sais, Fleur de Lys, tu vois, il y a des Africains qui portaient des tenues. C'est le fun, ça. Ah, c'est nice. Tenue traditionnelle pour le film. Wow. Donc, Justin Trudeau, t'es là, déguisé. Ah, il est pris en Inde, excusez. Il est pris en Inde. Non, mais c'est le fun, parce que en tant que tel, c'est de la représentation, parce qu'il n'y a personne qui était représentatif de la communauté. Mais ouais, c'est ça, surtout dans le gros cinéma, non pas vraiment, mais là, c'est vraiment super intéressant de voir cet engouement-là et puis de voir beaucoup de super héros noirs et tout. Faut que tu nous le vendes, là, en disant que c'est le meilleur film au monde. Là. Mais c'est le meilleur film au monde, mais je peux pas aussi trop... On veut pas de spoilers. C'est ça, pour pas vous gâcher le moment. Mais et l'histoire, tout. Mettons, en gros. Bon, en fait, l'histoire, mettons, ça se passe déjà dans Wakanda. Oui, c'est oui. Un pays un peu fictif, un peu de l'univers Marvel. Et puis, c'est un pays, tu sais, africain qui est vraiment très développé à cause d'un métal qu'ils appellent vibranium. OK. Puis, on retrouve ce métal en très grosse quantité, principalement dans cette région, en fait. Et l'histoire, elle tourne vraiment autour de ça, au décès d'un Black Panther, tu vois, c'est-à-dire le Black Panther là-bas, c'est comme le roi et puis le chef de leur tribu. Okay. Et là, il y a un décès, puis c'est son fils qui le remplace. Et au fur et à mesure, genre du film et tout, il lui aussi se fait remplacer par un autre Black Panther, un nouveau. Et après, bon, à la fin, il y a un combat final et tout. Donc, en gros, l'histoire, elle tourne beaucoup autour des ressources, en fait, et puis du poste du Black Panther, en fait. C'est une intrigue autour de ça, à peu près. Quand il meurt, là, est-ce qu'il va un Black Panther-man? Oh, mon Dieu! Mathieu! Incroyable!